Chapitre 9. Lorsque les valets eurent porté à sa voiture le vrai comte Labinski, chassé de son paradis terrestre par le faux ange gardien debout sur le seuil, l'octave transfiguré rentra dans le petit salon blanc et or pour attendre le loisir de la comtesse. Appuyé contre le marbre blanc de la cheminée, dont l'âtre était rempli de fleurs, il se voyait répéter au fond de la glace, placé en symétrie sur la console à pieds tarabiscotés et dorés. Quoiqu'il fût dans le secret de sa métamorphose, ou pour parler plus exactement de sa transposition, il avait peine à se persuader que cette image, si différente de la sienne, fut le double de sa propre figure. Et il ne pouvait détacher ses yeux de ce fantôme étranger qui était cependant devenu lui. Il se regardait et voyait un autre. Involontairement, il cherchait si le comte Olaf n'était pas accoudé près de lui à la tablette de la cheminée, projetant sa réflexion au miroir. Mais il était bien seul. Le docteur Cherbonneau avait fait les choses en conscience. Au bout de quelques minutes, Octave Labinski ne songea plus au merveilleux avatar qui avait fait passer son âme dans le corps de l'époux de Praskovie. Ses pensées prirent un cours plus conforme à sa situation. Cet événement incroyable, en dehors de toutes les possibilités, et que l'espérance la plus chimérique n'eût pas osé rêver en son délire, était arrivé. Il allait se trouver en présence de la belle créature adorée. Elle ne le repousserait pas. La seule combinaison qui put concilier son bonheur avec l'immaculée vertu de la comtesse, s'était réalisée. Près de ce moment suprême, son âme éprouvait des transes et des anxiétés affreuses. Les timidités du véritable amour la faisaient défaillir, comme si elle habitait encore la forme dédaignée d'Octave de sa ville. L'entrée de la femme de chambre mit fin à ce tumulte de pensées qui se combattait. À son approche, il ne put maîtriser un soubresaut nerveux, et tout son sang afflua vers son cœur lorsqu'elle lui dit « Madame la comtesse peut à présent recevoir monsieur. » Octave Labinski suivit la femme de chambre, car il ne connaissait pas les êtres de l'hôtel et ne voulait pas trahir son ignorance par l'incertitude de sa démarche. La femme de chambre l'introduisit dans une pièce assez vaste, un cabinet de toilette orné de toutes les recherches du luxe le plus délicat. Une suite d'armoires d'un bois précieux, sculptées par Knecht et Lienhardt, et dont les battants étaient séparés par des colonnes torses, autour desquelles s'enroulaient en spirale de légères brindilles de convolvulus aux feuilles en cœur et aux fleurs en clochettes découpées avec un art infini, formaient une espèce de boiserie architecturale, un portique d'ordre capricieux d'une élégance rare et d'une exécution achevée. Dans ces armoires étaient serrées les robes de velours et de moire, les cachemires, les mantelets, les dentelles, les pelisses de martre zibeline, de renard bleu, les chapeaux aux mille formes, tout l'attirail de la jolie femme. En face se répétait le même motif, avec cette différence que les panneaux pleins étaient remplacés par des glaces jouant sur des charnières comme des feuilles de paravent, de façon que l'on pût s'y voir de face, de profil, par derrière, et juger de l'effet d'un corsage ou d'une coiffure. Sur la troisième face régnait une longue toilette plaquée d'albâtre onyx, où des robinets d'argent dégorgeaient l'eau chaude et froide dans d'immenses jattes du Japon, enchâssées par des découpures circulaires du même métal. Des flacons en cristal de bohème, qui, au feu des bougies, étincelaient comme des diamants et des rubis, contenaient les essences et les parfums. Les murailles et le plafond étaient capitonnés de satin vert d'eau, comme l'intérieur d'un écrin. Un épais tapis de Smyrne, aux teintes moelleusement assorties, ouatait le plancher. Au milieu de la chambre, sur un socle de velours vert, était posé un grand coffre de forme bizarre, en acier de Khorassan ciselé, niellé et ramagé d'arabesques d'une complication à faire trouver simple les ornements de la salle des ambassadeurs à l'Alhambra. L'art oriental semblait avoir dit son dernier mot dans ce travail merveilleux auquel les doigts de fée des Péris avaient dû prendre part. C'était dans ce coffre que la comtesse Praskovie Labinska enfermait ses parures, des joyaux dignes d'une reine, et qu'elle ne mettait que fort rarement, trouvant avec raison qu'il ne valait pas la place qu'il couvrait. Elle était trop belle pour avoir besoin d'être riche, son instinct de femme le lui disait. Aussi ne leur faisait-elle voir les lumières que dans les occasions solennelles où le faste héréditaire de l'antique maison Labinski devait paraître avec toute sa splendeur. Jamais diamants ne furent moins occupés. Près de la fenêtre, dont les amples rideaux retombaient en plis puissants, devant une toilette à la duchesse, en face d'un miroir que lui penchaient deux anges sculptés par Mademoiselle de Fauveau, avec cette élégance longue et fluette qui caractérise son talent, illuminée de la lumière blanche de deux torchères à six bougies, se tenait assise la comtesse Praskovy-Labinska, radieuse de fraîcheur et de beauté. Un burnous de Tunis, d'une finesse idéale, rubané de raies bleues et blanches alternativement opaques et transparentes, l'enveloppait comme un nuage souple. La légère étoffe avait glissé sur le tissu satiné des épaules, elle laissait voir la naissance et les attaches d'un col qui eût fait paraître gris le col de neige du cygne. Dans l'interstice des plis, bouillonnaient les dentelles d'un peignoir de batiste, parure nocturne que ne retenait aucune ceinture. Les cheveux de la comtesse étaient défaits et s'allongeaient derrière elle en nappe opulente comme le manteau d'une impératrice. Certes, les torsades d'or fluide dont la Vénus Aphrodite exprimait des perles agenouillée dans sa conque de nacre, lorsqu'elle sortit comme une fleur des mers de l'azur ionien, était moins blonde, moins épaisse, moins lourde. Mais les lambres du Titien et l'argent de Paul Véronèse, avec le vernis d'or de Rembrandt, faites passer le soleil à travers la topaze, et vous n'obtiendrez pas encore le ton merveilleux de cette opulente chevelure qui semblait envoyer la lumière au lieu de la recevoir, et qui eût mérité mieux que celle de Bérénice de flamboyer, constellation nouvelle, parmi les anciens astres. Deux femmes la divisaient, la polissaient, la crépelaient et la rangeaient en boucle soigneusement massée pour que le contact de l'oreiller ne la froissât pas. Pendant cette opération délicate, la comtesse faisait danser, au bout de son pied, une babouche de velours blanc brodée de canetilles d'or, petite à rendre jalouses les canounes et les odalisques du padishah. Parfois, rejetant les plis soyeux du burnou, elle découvrait son bras blanc et repoussait de la main quelques cheveux échappés, avec un mouvement d'une grâce mutine. Ainsi, abandonnée dans sa pose nonchalante, elle rappelait ces sveltes figures de toilette grecque qui ornent les vases antiques et dont aucun artiste n'a pu retrouver le pur et suave contour, la beauté jeune et légère. Elle était mille fois plus séduisante encore que dans le jardin de la Villa Salviati à Florence. Et si Octave n'avait pas été déjà fou d'amour, il le serait infailliblement devenu. Mais par bonheur, on ne peut rien ajouter à l'infini. Octave Labinski sentit à cet aspect, comme s'il eût vu le spectacle le plus terrible, ses genoux s'entrechoquer et se dérober sous lui. Sa bouche se sécha, et l'angoisse lui étreignit la gorge comme la main d'un thug. Des flammes rouges tourbillonnèrent autour de ses yeux. Cette beauté le médusait. Il fit un effort de courage, se disant que ses manières effarées et stupides, convenables à un amant repoussé, seraient parfaitement ridicules de la part d'un mari, quelque épris qu'il pût être encore de sa femme, et il marcha assez résolument vers la comtesse. « Assez-vous, Olaf, comme vous rentrez tard ce soir, » dit la comtesse sans se retourner, car sa tête était maintenue par les longues nattes que tressaient ses femmes, et la dégageant des plis du burnou, elle lui tendit une de ses belles mains. Octave Labinski saisit cette main, plus douce et plus fraîche qu'une fleur, la porta à ses lèvres et y imprima un long, un ardent baiser. Toute son âme se concentrait sur cette petite place. Nous ne savons quelle délicatesse de sensitive, quel instinct de pudeur divine, quelle intuition irraisonnée du cœur, avertit la comtesse. Mais un nuage rose couvrit subitement sa figure, son col et ses bras, qui prirent cette teinte dont se colore sur les hautes montagnes la neige vierge surprise par le premier baiser du soleil. Elle tressaillit et dégagea lentement sa main, demi-fâchée, demi-honteuse. Les lèvres d'Octave lui avaient produit comme une impression de fer rouge. Cependant, elle se remit bientôt et sourit de son enfantillage. « Vous ne me répondez pas, cher Olaf. Savez-vous qu'il y a plus de 6 heures que je ne vous ai vu ?»« Vous me négligez, » dit-elle d'un ton de reproche. « Autrefois, vous ne m'auriez pas abandonné ainsi toute une longue soirée. Avez-vous pensé à moi seulement ?»« Toujours, » répondit Octave Labinski. « Oh non, pas toujours. Je sens quand vous pensez à moi, même de loin. Ce soir, par exemple, j'étais seule, assise à mon piano, jouant un morceau de Weber et berçant mon ennui de musique. Votre âme a voltigé quelques minutes autour de moi, dans le tourbillon sonore des notes. Puis elle s'est envolée je ne sais où, sur le dernier accord, et n'est pas revenue. Ne mentez pas, je suis sûre de ce que je dis. » Praskovi, en effet, ne se trompait pas. C'était le moment où, chez le docteur Balthazar Cherbonneau, le comte Olaf Labinski se penchait sur le verre d'eau magique, évoquant une image adorée de toute la force d'une pensée fixe. À dater de là, le comte, submergé dans l'océan sans fond du sommeil magnétique, n'avait plus eu ni idée, ni sentiment, ni volition. Les femmes, ayant achevé la toilette nocturne de la comtesse, se retirèrent. Octave Labinski restait toujours debout, suivant Praskovi d'un regard enflammé. Gênée et brûlée par ce regard, la comtesse s'enveloppa de son burnous comme la polymnie de sa draperie. Sa tête seule apparaissait au-dessus des plis blancs et bleus, inquiète mais charmante. Bien qu'aucune pénétration humaine n'eût pu deviner le mystérieux déplacement d'âme opéré par le docteur Cherbonneau au moyen de la formule du sannyasi Brahma Logum, Praskovi ne reconnaissait pas, dans les yeux d'Octave Labinski, l'expression ordinaire des yeux d'Olaf, celle d'un amour pur, calme, égal, éternel comme l'amour des anges. Une passion terrestre incendiait ce regard qui la troublait et la faisait rougir. Elle ne se rendait pas compte de ce qui s'était passé, mais il s'était passé quelque chose. 1000 suppositions étranges lui traversèrent la pensée. N'était-elle plus pour Olaf qu'une femme vulgaire, désirée pour sa beauté comme une courtisane? L'accord sublime de leurs âmes avait-il été rompu par quelque dissonance qu'elle ignorait? Olaf en aimait-il une autre? Les corruptions de Paris avaient-elles souillé ce chaste cœur? Elle se posa rapidement ces questions, sans pouvoir y répondre d'une manière satisfaisante, et se dit qu'elle était folle, mais au fond, elle sentait qu'elle avait raison. Une terreur secrète l'envahissait, comme si elle eût été en présence d'un danger inconnu, mais deviné par cette seconde vue de l'âme à laquelle on a toujours tort de ne pas obéir. Elle se leva, agitée et nerveuse, et se dirigea vers la porte de sa chambre à coucher. Le faux comte l'accompagna, un bras sur la taille, comme Othello reconduit Desdémone à chaque sortie dans la pièce de Shakespeare. Mais quand elle fut sur le seuil, elle se retourna, s'arrêta un instant, blanche et froide comme une statue, jeta un coup d'œil effrayé au jeune homme, entra, ferma la porte vivement et poussa le verrou. « Le regard d'Octave !» s'écria-t-elle en tombant, à demi évanouie sur une causeuse. Quand elle eut repris ses sens, elle se dit: mais comment se fait-il que ce regard, dont je n'ai jamais oublié l'expression, étincelle ce soir dans les yeux d'Olaf? Comment en ai-je vu la flamme sombre et désespérée luire à travers les prunelles de mon mari? Octave est-il mort? Est-ce son âme qui a brillé un instant devant moi, comme pour me dire adieu avant de quitter cette terre? Olaf, Olaf, si je me suis trompée, si j'ai cédé follement à de vaines terreurs, tu me pardonneras. Mais si je t'avais accueilli ce soir, j'aurais cru me donner à un autre. » La comtesse s'assura que le verrou était bien poussé, alluma la lampe suspendue au plafond, se blottit dans son lit comme un enfant peureux, avec un sentiment d'angoisse indéfinissable, et ne s'endormit que vers le matin. Des rêves incohérents et bizarres tourmentèrent son sommeil agité. Des yeux ardents, les yeux d'Octave, se fixaient sur elle du fond d'un brouillard. Elle lui lançait des jets de feu, pendant qu'au pied de son lit, une figure noire et sillonnée de rides se tenait accroupie, marmonnant des syllabes d'une langue inconnue. Le comte Olaf parut aussi dans ce rêve absurde, mais revêtu d'une forme qui n'était pas la sienne. Nous n'essaierons pas de peindre le désappointement d'Octave lorsqu'il se trouva en face d'une porte fermée et qu'il entendit le grincement intérieur du verrou. Sa suprême espérance s'écroulait. Et quoi? Il avait eu recours à des moyens terribles, étranges, il s'était livré à un magicien, peut-être à un démon, en risquant sa vie dans ce monde et son âme dans l'autre, pour conquérir une femme qui lui échappait, quoique livrée à lui sans défense par les sorcelleries de l'Inde? Repoussé comme amant, il l'était encore comme mari. L'invincible pureté de Praskovi déjouait les machinations les plus infernales. Sur le seuil de la chambre à coucher, elle lui était apparue comme un ange blanc de Swedenborg, foudroyant le mauvais esprit. Il ne pouvait rester toute la nuit dans cette situation ridicule. Il chercha l'appartement du comte, et au bout d'une enfilade de pièces, il en vit une où s'élevait un lit aux colonnes d'ébène, aux rideaux de tapisserie, où parmi les ramages et les arabesques étaient brodés des blasons. Des panoplies d'armes orientales, des cuirasses et des casques de chevaliers atteints par le reflet d'une lampe, jetaient des lueurs vagues dans l'ombre. Un cuir de bohème gaufré d'or miroitait sur les murs. Trois ou quatre grands fauteuils sculptés, un bahut tout historié de figurines, complétaient cet ameublement d'un goût féodal et qui n'eût pas été déplacé dans la grande salle d'un manoir gothique. Ce n'était pas de la part du comte frivole imitation de la mode, mais pieux souvenir. Cette chambre reproduisait exactement celle qu'il habitait chez sa mère, et quoiqu'on l'eût souvent raillé sur ce décor de cinquième acte, il avait toujours refusé d'en changer le style. Octave Labinski, épuisé de fatigue et d'émotion, se jeta sur le lit et s'endormit en maudissant le docteur Balthazar Cherbonneau. Heureusement, le jour lui apporta des idées plus riantes. Il se promit de se conduire désormais d'une façon plus modérée, d'éteindre son regard et de prendre les manières d'un mari. Aidé par le valet de chambre du comte, il fit une toilette sérieuse et se rendit d'un pas tranquille dans la salle à manger où Madame la Comtesse l'attendait pour déjeuner.